Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, le projet Manhattan. Le choc, ça a été un choc humanitaire, le choc commun, universel. Ah, qu'est-ce qu'on vient de faire là? Et puis, j'ai sûrement fait le lien avec le travail que nous avions fait, mais sans sentir une responsabilité particulière. Ça a été un choc, oui, mais je n'ai pas été surprise qu'il y ait une bombe atomique. Ça me paraissait une espèce de fatalité qu'un jour une bombe éclate, étant donné qu'on y travaillait partout depuis si longtemps. Colette Fortier à l'émission Dossier en 1980. Colette Fortier qui était étudiante en chimie et stagiaire au laboratoire de l'Université de Montréal à l'automne de 1944 et 1945, au moment où les Américains et leurs alliés développaient la mise au point de la bombe atomique dans le cadre du célèbre projet Manhattan. Une première bombe va exploser, une bombe expérimentale, au Nouveau-Mexique le 16 juillet 1945. Deux bombes vont suivre, évidemment vous les connaissez, celles d'Hiroshima et de Nagasaki qui vont être larguées au mois d'août 1945. C'est à ça que réagissait Colette Fortier, comment elle avait réagi à l'époque quand ces bombes ont éclaté au Japon. L'utilisation par les Américains de la bombe atomique au Japon va marquer profondément, durablement, les consciences. On peut dire qu'à partir de ce moment-là, le monde n'a plus jamais vraiment été le même. Le domaine était énorme. Il fallait étudier toutes les constantes physiques de l'eau lourde, de l'uranium, de l'oxyde d'uranium sous l'action des neutrons. Et c'est toute cette science fondamentale qui a été étudiée par les physiciens, par Pierre Auger, par Lorentz, par de Meers et bien d'autres dont je ne me rappelle plus le nom, qui ont étudié toutes ces données de façon à ce que le jour où nous aurions assez d'eau lourde et d'uranium, nous soyons prêts à faire une pile atomique. Moi-même, je m'occupais de la partie chimique, et la partie chimique, une des principales tâches était de faire de l'uranium très pur. Le chimiste français Bertrand Goldschmidt, qui a travaillé au laboratoire de Montréal dans le cadre du projet Manhattan, évoque les défis techniques énormes auxquels devront s'attaquer les scientifiques qui vont travailler au développement de la bombe atomique durant la Deuxième Guerre mondiale. L'extrait qu'on vient d'entendre est un extrait de l'émission Dossier du 16 février 1980. Pour nous raconter l'histoire du projet Manhattan, je reçois Michel Fortman, qui est professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, expert en questions d'armement. Michel Fortman, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelle importance a ce projet Manhattan dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais plus largement, Michel Fortman, dans l'histoire du 20e siècle? C'est ce programme qui a ouvert la porte à l'ère nucléaire, c'est-à-dire qui a donné aux États-Unis et à plusieurs autres pays la capacité finalement de détruire presque entièrement la planète. Et qui change toute la dynamique, en fait. Absolument, qui a changé, en fait, la notion même de guerre, qui devient, je dirais, presque impossible, parce qu'elle signifie le suicide, finalement, pour n'importe quel État qui utiliserait ces arsenaux. Donc, c'est vraiment un moment crucial. Le chemin scientifique qui mènera à la fabrication de la première bombe atomique, il est long. Il commence même probablement au début du 20e siècle, mais pour les fins de l'émission, rapprochons-nous du projet Manhattan. Le projet Manhattan, comme tel, va commencé en 1942, mais déjà quoi, en 1938-39, qu'est-ce qui se passe? C'est là où les premiers travaux plus proches de ce que va devenir le projet Manhattan commencent. Où est-ce qu'on en est dans l'état de la connaissance scientifique? Puis ça ressemble à quoi, ces balbutiements de ce que deviendra le projet Manhattan? Ce qu'on savait, c'est que la structure même de la matière contient de l'énergie, une énergie potentiellement énorme. Le problème, c'est qu'on ne savait pas si on pouvait artificiellement extraire cette énergie ou l'utiliser, ce qui deviendra plus tard, par exemple, les réacteurs nucléaires, les producteurs d'énergie, etc. Et en 38-39, on réalise qu'effectivement, on peut arriver artificiellement à retirer cette énergie, voilà, ou la susciter. Ouais. Et ce sont deux Allemands, en fait, Otto Hahn et Fritz Strassmann, qui vont en Allemagne, en fait, eux-mêmes, en bombardant de neutrons de l'uranium, réaliser que non seulement on a cassé le noyau de l'uranium, mais en même temps, on a transformé une partie de la matière en énergie. Cette énergie étant 1 million de fois plus puissante qu'une réaction chimique. Ouais. En tant que telle. Donc oui, on pouvait retirer ce que certains considéraient comme étant un rêve ou une illusion, on pouvait retirer donc cette énergie de la matière. Et c'est ce qui va conduire à cette idée d'utiliser cette technique-là pour en faire une arme, pour en faire une bombe, ce qui deviendra la bombe atomique. Exactement. En fait, il y avait deux voies, c'est-à-dire d'une part retirer cette énergie, mais à des fins pacifiques. Ouais. L'autre était de finalement transformer de façon brutale l'énergie nucléaire en explosion. Ouais. Et en fait, c'est un scientifique particulier qui s'appelle Léo Szilard, qui est un Hongrois qui avait émigré de son pays, quitté l'Europe à ce moment-là, qui en réalisant, en apprenant cette nouvelle de la découverte des savants allemands, va reproduire leur expérience, mais en regardant particulièrement qu'est-ce qui se passait. Et il va déterminer que la fission de l'uranium produit en fait plus de 2 neutrons. Et ces 2 neutrons vont eux-mêmes provoquer une autre fission, ce qu'on appelle une génération de fission. Et donc rendant possible l'explosion, en fait, de la matière. Et ça, c'est vraiment crucial. Ouais. Et on est dans ce contexte, évidemment, du début de la Deuxième Guerre mondiale. Hitler est au pouvoir depuis 1933, la guerre est déclarée officiellement en 1939. On est vraiment dans cette période-là. Et puis arrive Albert Einstein, qui va jouer un rôle dans le développement de la bombe atomique. Rôle direct ou indirect, on en parlera dans un instant, Michel Fortman. Mais d'abord, on écoute son ami, son légataire testamentaire, Otto Nathan, en parler à l'émission du rôle d'Einstein, du lien entre Einstein et la bombe atomique. Il en parle donc à l'émission Partage du jour en avril 1962. En 1939, quand on l'a renseigné que les Allemands avaient réussi à rompre l'atome, et quand on lui a dit que ça pourrait faciliter la production d'une bombe atomique, alors il a écrit à Roosevelt qu'il croyait qu'on devra faire des recherches aux États-Unis de produire une bombe. Parce que Einstein a craint que les nazis, que Hitler seul serait dans la possession d'une bombe atomique. Autrement, si les États-Unis et les nations alliées aux États-Unis, les Anglais, les Français et les Russes posséderont une bombe, en même temps, Hitler devrait hésiter à l'utiliser. Mais alors, c'est dire qu'Einstein considérait la bombe atomique uniquement comme un moyen préventif. Absolument comme un moyen préventif. Et pas pour un moyen agressif. Il n'a jamais su qu'on avait réussi aux États-Unis à produire une bombe. Il n'a jamais su que tout le monde considérait de l'user sur le Japon. On lui a jamais dit le secret de la bombe était parfait. Il n'en savait pas plus que vous et moi. Si bien qu'Einstein ne pouvait pas avoir mauvaise conscience de l'utilisation qu'on a pu faire de ses découvertes. Non, il n'avait pas une mauvaise conscience. Il a regretté que son œuvre scientifique et sa lettre à Roosevelt approuver le chemin aux bombes, mais il n'avait pas une mauvaise conscience parce que tout ce qu'il a fait, il a fait en bonne conscience. L'extrait qu'on vient d'entendre remonte à avril 1962. C'est un ami d'Einstein qu'on entend. Je le précise parce qu'au fond, les auditeurs ne l'ont pas vu, Michel Fortman, mais tout au cours de cet extrait, vous souriez en fait, vous sourciez même. La vraie question, c'est, elle est double. Quelle importance aura la lettre d'Einstein à Franklin D. Roosevelt dans cette idée de développer un secteur de recherche menant à la fabrication d'une bombe atomique? Puis quel lien y a-t-il vraiment entre Einstein et la bombe atomique? C'est un lien qui est avant tout théorique. En fait, il y a une chose particulière de l'intervention que vous venez de passer, c'est que Einstein ne se doutait absolument pas de la possibilité de fissionner artificiellement la matière. Ouais. Donc, par contre, il est l'auteur de la formule qui exprime cette relation entre masse et énergie. Ouais. Le fameux E égale MC2, l'énergie égale la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. Donc, ce qui est absolument extraordinaire. Quand Léo Szilard, dont je vous parlais tout à l'heure, est venu le voir, donc en août 1939, et qu'il lui a expliqué les possibilités d'utiliser de façon explosive, et en fait aussi la relation qu'il y avait entre la formule d'Einstein, en quelque sorte, et ce potentiel, on pourrait dire, militaire, il a dit « Mais je n'avais absolument pas pensé à ça. Ouais. Daran habe ich gar nicht gedacht. » Mais Einstein a eu en fait un rôle plutôt accidentel dans toute cette histoire. Ouais. C'est-à-dire que celui qui est allé le voir Donc, comme je vous dis, c'est Leo Szilard. Leo Szilard pensait qu'il fallait absolument prévenir les autorités politiques américaines de la possibilité, évidemment, donc, de construire une bombe nucléaire. Et que, en fait, les Allemands étant les premiers à avoir découvert la fission, eux-mêmes, à la veille de la guerre, donc sous le régime d'Hitler, auraient pu effectivement construire ça. Mais lui-même, Leo Szilard, pensait qu'il n'était pas assez connu aux États-Unis pour aller faire une telle démarche. Donc il convainc Einstein. Et donc il a sollicité Einstein, parce que le nom d'Einstein était déjà connu mondialement. Et donc seul Einstein pouvait, on pourrait dire, passer le message. Ouais. Et donc c'est comme ça que cette rencontre avec Roosevelt va être... La lettre d'abord va être écrite par Einstein, et cette lettre va être présentée par un ami de Roosevelt, qui est un financier, Alexander Sachs, qui va tenter de convaincre le président qu'il y avait là une urgence. Ouais. Okay. Et à ce moment-là, Roosevelt va immédiatement réaliser l'importance de la chose. Ouais. Mais ça prendra quand même... Donc il y a de la recherche qui se fait déjà depuis 38-39, mais le projet Manhattan, en bonne et due forme, le président donc prend conscience de cette problématique, mais il faudra laisser un peu de temps passer. Et le grand coup, finalement, ce qui va provoquer la mise en surpied, en bonne et due forme, du projet Manhattan, c'est l'entrée en guerre des États-Unis après l'attaque japonaise de Pearl Harbor en décembre 1941. In their two attacks, the second of which appears to be tapering off. There are 86 ships in the harbor, but the principal targets have been these great battleships. It is very evident that Japanese aviators were bombing from very accurate... En fait, il faudra attendre l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et l'entrée des États-Unis en guerre le lendemain pour que soit véritablement lancé le 16 décembre de la même année à Washington le programme de recherche sur l'uranium et sur la bombe. En quelques mois va être mis sur pied le projet Manhattan. Un projet, dit Pierre Radvani, littéralement démesuré. On va mettre le paquet, ce qui implique plusieurs choses. D'abord, une mobilisation colossale. Ensuite, l'armée entre elle-même dans le dispositif. Donc, le projet sera placé sous direction militaire. C'est le général Groves qui va prendre la tête du projet. Mmh. Mais le projet sera établi que... En août-septembre 1942, vous voyez. Donc il s'est écoulé quelques mois au cours desquels on a cherché la meilleure manière d'organiser les choses. Mais déjà, l'idée est venue qu'il fallait, il y avait plusieurs possibilités pour fabriquer une bombe atomique. On en avait dénombré 5 et on a décidé de les poursuivre tous les 5. Extrait de l'émission Les Années-Lumière du 6 août 1995, animé par Yannick Villedieu. Quand est donc officiellement Michel Fortman mis sur pied ce projet Manhattan et quelle ampleur prendra ce projet-là? Exactement, en fait, en juin 1942, et le délai donc, qu'il y a entre 1939, donc la lettre à Roosevelt et la décision du président, et cette date-là, en fait, correspond à un certain nombre de recherches fondamentales de réponses qu'on devait obtenir, si je peux me permettre. D'abord, en fait, quelle matière allait-on utiliser pour fabriquer une bombe? Uranium-238, son isotope, l'uranium-235, un autre élément. Donc, il a fallu se rendre compte, par exemple, que ce qu'on cherchait, c'était l'uranium-235, mais par contre, d'une part, qu'il fallait trouver cet uranium. Où était ce minaret, et donc qui ne se trouve pas sous le pas d'un cheval. Donc là, les Américains ont été extrêmement chanceux parce que une très grosse cargaison d'un minerai extrêmement riche d'uranium avait été importée aux États-Unis, et c'est ce minerai qui va en grande partie servir au projet Manhattan. Ouais. Mais le gros défi, en fait, est-ce qu'on pouvait séparer l'uranium 238 et 235, qui sont des isotopes, c'est-à-dire chimiquement, ils sont donc absolument identiques. Ouais. Et c'est pour cela qu'on a dû construire en fait d'énormes usines et tenter de travailler sur plusieurs voies de recherche différentes. Ouais. On n'a pas tant, fait des expériences, etc. On les a immédiatement, on a industrialisé le processus, qui va donner sa dimension en tant que tel. C'est énorme. À un moment donné, il y a énormément de gens sur plusieurs sites qui travaillent. Puis Manhattan, au fond, c'est d'abord une direction militaire, et c'est cette mise à disposition de ressources énormes. C'est la priorité une mobilisation. C'est à la fois une mobilisation complète de la science américaine, dans dans toutes presque les universités, mais aussi une mobilisation de l'industrie ou des groupes comme DuPont, par exemple, le consortium chimique, donc Westinghouse, etc., General Electric, ont tous été en fait mobilisés, y compris l'armée. Ouais. Qui a dirigé ce projet. Juste un petit détail qui est quand même important. Le général Leslie Groves, qui a dirigé donc ce projet sur le côté militaire, est celui aussi qui a construit le Pentagone. Ah bon ? Oui, cet immense... Ouais. Et c'est parce qu'il était capable, effectivement, de jongler avec des éléments de toute cette infrastructure qu'il a été mis en responsable du projet. Le Canada, Michel Fortman, on évoquait au tout début de l'émission le laboratoire de Montréal. Quel genre d'importance aura cette participation canadienne, de quelle nature elle sera? Relativement secondaire. Il faut voir que les Britanniques qui avaient, parallèlement aux Américains, commencé à travailler donc, sur la question de la fission et son application militaire, s'étaient rendu compte qu'ils n'avaient pas les moyens en Angleterre d'aller plus loin. Donc, ils ont aussi, pour protéger le groupe de scientifiques qui travaillaient en Angleterre, ils leur ont demandé en 1942 de venir au Canada, de s'installer, donc ils étaient plus en sécurité. Malheureusement, les Américains, qui voyaient que dans cette équipe de scientifiques britanniques, il y avait beaucoup de gens qui venaient d'Europe, se méfiaient énormément en termes de sécurité. Ouais. Donc, ils vont tenir isolée l'équipe, canadienne du laboratoire de Montréal. Ceux-ci vont travailler en particulier sur la fission contrôlée et en particulier par l'eau lourde, ouais. Ce qui va donner lieu ultimement finalement à la création du réacteur CANDU qu'on connaît, etc. Mais ils ne vont pas directement participer à l'effort de guerre américain. C'est périphérique. Le 16 juillet 1945, ça, c'est pas du tout périphérique. Il y a un essai. Première bombe qui explose au Nouveau-Mexique. Quelle est l'importance de cet essai-là? Les scientifiques à Los Alamos, en particulier, qui était le laboratoire de fabrication de la bombe, ont essayé deux techniques en fait, pour faire exploser en tant que telle les matières fissiles. L'une qui était ce qu'on appelle le système canon, ou gun type, avec de l'uranium en tant que tel, où une pièce d'uranium était lancée dans une autre de façon à former ce qu'on appelle une masse critique, et donc provoquer l'explosion. Système qui était assez simple, c'est vraiment basé sur le design d'un canon en tant que tel. L'autre, qu'on n'avait jamais testé, il s'appelle le système de l'implosion, et qui utilisait non pas de l'uranium, mais un deuxième élément qui était fissile, le plutonium-239. Okay, ouais. Donc, et en fait, encore dans les bombes modernes, on utilise du plutonium. Bon, je ne vais pas vous expliquer la fabrication, mais ce système-là n'ayant pas été ou étant peu fiable, a été testé, a été l'objet du premier test. D'accord. Okay. Et donc, c'est ce qui est arrivé le 16 juillet 1945. Première fois que l'énergie nucléaire, de façon militaire, explosive, était utilisée, et avec un très grand succès. Ouais. Hein. Et évidemment, ce qui suivra est connu, c'est l'explosion de deux autres bombes atomiques au Japon en août 1945. Ça reste l'un des événements les plus marquants du 20e siècle. Que dire, que penser, entre autres de la responsabilité des scientifiques qui ont travaillé au projet Manhattan dans l'explosion de ces deux bombes. Je propose d'écouter l'astrophysicien Hubert Reeves, qui parle de confidences que lui ont faites à ce sujet. Certains scientifiques qui ont travaillé au projet Manhattan, extrait de l'émission Point de vue du 21 mars 1999. On voyait qu'ils étaient restés quand même très... ça leur pesait énormément. D'une part, le fait que ce très beau développement de la science était responsable de la mort de centaines de milliers de personnes. Et je me souviens d'un de nos professeurs, je crois que c'est Hans Bethe, qui disait, quand on a lancé la bombe, on se disait, ce qu'on avait en tête, c'est est-ce qu'elle va exploser ou non, parce que c'était très incertain, et c'était tout nouveau. Et puis, quand ça a explosé, il nous a dit, ma première impression, ça n'a pas été bravo, ça a été, mais qu'est-ce que nous avons fait là? Vous voyez, il y a eu ce passage de cette attente du résultat d'une expérience scientifique sur laquelle il travaillait depuis des années à la réalisation concrète de ce qui venait se passer. Et il nous disait, je suis rentré chez moi et j'ai vomi toute la journée. Donc, il y a cette double expérience qui était ce développement de la science dans un contexte que, personnellement, je ne peux pas blâmer. Il faut bien se rappeler qu'on est en 1944, que Hitler gagne sur tous les fronts, que l'Allemagne nazie est triomphante et que l'avenir de la démocratie et de la culture est très menacé. Et en particulier l'avenir des Juifs, naturellement. Cet extrait, il soulève une grande question. La grande question, Michel Fortman, fallait-il utiliser la bombe atomique contre le Japon en 1945? La question est un peu délicate. Vous parliez des scientifiques tout à l'heure. Et il y a une attitude morale qui ressort effectivement de leur réaction face à la bombe, ce qui est très bien souligné par les interventions que vous venez de faire entendre. Robert Oppenheimer, en voyant l'explosion, avait réagi en disant « Nous sommes devenus des dieux destructeurs de monde. » Oui. Okay. Et en fait, c'était en grande partie vrai. Et je pense que plusieurs, en fait, 60 scientifiques du projet Manhattan vont signer une pétition qui demandait effectivement que le gouvernement américain n'utilise pas l'arme nucléaire. En fait, les Allemands étaient battus, c'était, donc nous étions après mai 1945. Donc, c'était sur le Japon que l'arme serait utilisée. Mais en fait, les Américains planifiaient l'utilisation de l'arme, donc c'était, je veux dire, inscrit même dans la bureaucratie, dans le processus. C'est pas une question de est-ce qu'on aurait pu l'empêcher ? Je ne pense pas. Ouais. L'escadron de bombardiers B-29 qui devait donc lancer ses bombes sur Hiroshima et Nagasaki, qui s'entraînait depuis l'automne 1944. Ouais. Au printemps, en avril 1945, un comité avait déjà été choisi pour sélectionner les cibles. Okay. Politiquement, la décision, elle était prise. Après, oui, il y a le débat moral. Exactement. Il y a le débat éthique. On était sur des rails, en quelque sorte. Je pense que le choix ne s'est jamais vraiment présenté. Lorsque Truman a été informé, je pense qu'il n'a pas hésité une seconde. La justification qu'il a utilisée était que le bombardement de Hiroshima et Nagasaki certainement provoquerait moins de morts que si les Américains débarquaient au Japon. En fait, l'invasion du Japon était prévue pour la fin de l'année. Donc, pour lui, il disait les bombes ont raccourci la guerre et donc ont protégé des vies humaines, ont sauvé des vies humaines. Ouais. Qu'est-ce qui fait, puis on termine là-dessus, qu'au tout début, cette jeune étudiante stagiaire au laboratoire de Montréal dit « J'étais pas étonné quand ces bombes ont sauté. Nous étions si nombreux dans le monde à travailler au développement d'une bombe atomique. » En quelques secondes, Michel Fortman, qu'est-ce qui fait que ce sont les Américains, que c'est le projet Manhattan? Les Russes travaillaient aussi de leur côté. Ils n'étaient pas les seuls à travailler sur une bombe. Je pense que, d'une part, vous avez cette décision de Roosevelt qui a assuré que vous ayez un leadership politique continu. Vous avez une certaine cohérence du projet qui n'a jamais été mis de côté. Deuxièmement, je pense que les Américains, et ça c'est le facteur principal, avaient les moyens. Ils avaient les moyens d'embaucher. Écoutez, 120 000 personnes ont travaillé dans le projet Manhattan aux États-Unis. Des industries complètes, l'équivalent de l'industrie automobile. C'est la taille du projet Manhattan. Donc, des pays comme le Japon, par exemple, même si un scientifique japonais avait dit « Tiens, pourquoi pas se lancer là-dedans ouais. » Il n'avait pas les moyens. Michel Fortman, professeur honoraire de sciences politiques à l'Université de Montréal, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Mario Bolduc, recherche d'archives Sophie Gibson, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Sylvain Labrec. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.